À l'occasion du 25e anniversaire et du 5e anniversaire de la promotion au poste de commandant suprême de l'armée populaire de Corée du général Kim Jong-il et du maréchal Kim Jong-un, une délégation cambodgienne et une personnalité nigériane ont visité les 23 et 24 courants l'ambassade coréenne dans leur pays. Les membres de la délégation de l'association de football de l'armée du Royaume du Cambodge, conduite par son président Khof Chai, et Alassane Memen Mohamed, président du comité national d'études du kimsunisme kimjongilisme du Nigérian, ont déposé corbeilles et bouquets de fleurs devant les portraits en sourire des grands leaders Kim Il-sung et Kim Jong-il et le tableau de peinture qui les représente.